Situation 2. Je cherche une petite maison, près de la mer si possible. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. Un instant.